à tous, je m'appelle Jean-François Veil, je suis chargé de mission aux communes forestières Rhône-Alpes et je suis en charge du bois énergie. On m'a demandé de vous faire un petit éclairage rapide et bref sur ce que l'on appelle le plan d'approvisionnement territorial, donc ce qui va forcément engendrer des manques et une information un petit peu réduite. En introduction, les communes forestières, pour la majorité que j'imagine ne connaissent pas, donc c'est une fédération nationale qui comporte un peu plus de 5000 communes adhérentes, au niveau Rhône-Alpes un peu plus de 700, et c'est une fédération qui rassemble les communes propriétaires de forêts en propre, donc forêts communales, dont la gestion est remise à l'Office national des forêts. Ça, c'est le cadre. Et donc, cette fédération, composée principalement de maires, a de nombreuses thématiques à traiter pour ses membres, dont le bois énergie. Et il a été demandé à cette fédération de travailler sur des outils bois énergie. Et en 2007, a été constitué un programme qui s'appelle le programme 1000 chaufferies bois en milieu rural. Je vais donc vous présenter cet outil-là. Derrière moi va être diffusé un film d'une dizaine de minutes qui est mon cadre de temps, mon sablier. Je ne vais pas vous raconter le film, mais je vais avoir un discours un petit peu déconnecté, c'est juste pour vous illustrer l'aspect un peu technique qui peut être un peu lourd, donc je le laisse sans son, sans Véronique bien sûr, tout le monde n'est pas endormi, désolé, et pour le coup, je vous fais une présentation qui est déconnectée très légèrement du film. Donc le plan d'approvisionnement territorial, c'est un outil qui est dans la boîte à outils 1000 chaufferies. La boîte à outils 1000 chaufferies, ça traite de tout ce qui est aspect plateforme, mode de gestion, assistance pour la conception des projets de chaufferies dans les départements qui ne sont pas dotés d'espace info-énergie, et en France, il y en a. Mutualisation de la commande publique pour tout ce qui est conception et achat de chaufferies à l'échelle territoriale. Et puis également un petit module sur tout ce qui est contrôle de qualité de combustible pour les maîtres d'ouvrage. Mais le PAT est l'outil phare de ce programme 1000 chaufferies. Qu'est-ce que c'est qu'un PAT? Tout d'abord, c'est donc un outil à destination principalement des élus d'un territoire, donc un territoire de projet, comme l'a dit Monsieur Thierry. Donc ça, c'est important. Il faut que le maître d'ouvrage, le territoire maître d'ouvrage, ait une capacité à porter des projets, à les porter jusqu'à la phase opérationnelle. Ça, c'est un aspect indispensable. On n'est donc pas dans un outil technique de gestion forestière pour des techniciens forestiers. Donc cet outil-là doit permettre localement donc à ce territoire d'organiser une filière d'approvisionnement selon ses besoins, selon ses prérogatives, selon sa stratégie. Donc on aura différentes formes d'utiliser un PAT à la suite du rendu des données. C'est un outil qui va être évolutif et actualisable, puisqu'on est sur une base de données rassemblée sur un système d'information géographique dans lequel on va pouvoir, au fur et à mesure du temps, intégrer de nouveaux modules. Il faut comprendre que c'est un outil de modélisation sur une vingtaine d'années qui va très grossièrement compiler de nombreuses données pour pouvoir permettre au territoire de connaître sa capacité annuelle d'exploitation, donc de mobilisation forestière, sans exploiter, sans surexploiter, sans taper le capital boisé. Donc le PAT, suite à son rendu, doit permettre au territoire de trouver certaines clés en matière d'action opérationnelle. Des actions opérationnelles qui peuvent être d'ordre économique pour tout ce qui est élaboration de contrats d'approvisionnement, contrats d'approvisionnement entre les propriétaires forestiers et les fournisseurs, les fabricants de plaquettes, qui peuvent être de domaine public ou privé, et également les contrats d'approvisionnement entre le fournisseur et les chaufferies. Un exemple tout simple, si un bureau d'études lambda qui travaille dans une dimension nationale va aider un porteur de projet de chaufferie à faire son business plan, il va vous dire, ben, aujourd'hui en France, la plaquette forestière, c'est 75 euros la tonne, et on va prendre ce business plan pour construire le prix de vente de chaleur. Il s'avère que vous êtes dans un territoire localement où le prix de base, le prix d'entrée de base de la plaquette forestière locale, c'est 85. D'entrée, vous avez déjà un business plan qui vous ferme les possibilités d'une structuration en filière locale. Donc il est important de mettre en phase les éléments d'un contexte local par rapport au projet. Ça, c'est le but du PAT. Également, travailler sur les futurs équipements de stockage de dimension intercommunale. Est-ce qu'il est préférable de mettre ces outils-là proches de la forêt, proches des chaufferies? Donc il y a une modélisation qui a été travaillée pour trouver des secteurs ciblés sur lesquels il faudra ensuite analyser le foncier, puisque le foncier ne permet pas toujours de construire ce type d'équipement. Les dessertes forestières, point essentiel de la mobilisation du bois, et également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des accompagnements de chaufferies en termes économiques notamment. Donc l'objectif du PAT, donc, c'est de mettre sur un territoire précis en parallèle une consommation de chaufferies actuelle et en projet, et une ressource mobilisable. Il faut bien différencier une ressource totale physique théorique de la ressource mobilisable, voire même de la ressource mobilisée actuellement. Donc il y a trois niveaux de ressources à séparer. Définir les équipements communs à mettre en place, c'est-à-dire principalement plateforme de stockage et production, donc plateforme de broyage, et également cibler les investissements, puisque dans un programme, il peut y avoir des priorités à mettre en place par les élus. Et quand on ouvre un plan sans savoir quelle est la priorité d'investissement, on peut être embêté pour la réalisation de ce projet. Donc le PAT va permettre, par exemple, de cibler les meilleures pistes en ratio à l'investissement par rapport au volume mobilisable à court terme. Est-ce qu'il est préférable de faire 1 km de piste pour sortir 1000 m3 ou 500 m de piste pour en sortir 2000? Donc ça, c'est le genre d'information que va fournir le PAT. Le contenu d'impact, donc très rapidement, ça va être une base de données détaillée des chaufferies actuelles et projets. Ça va être l'identification d'une ressource forestière disponible, de la ressource industrielle, entre parenthèses, ressource industrielle, c'est la ressource qui va être liée à l'activité des scieries. Donc aujourd'hui, les scieries produisent du bois d'œuvre. Ça, c'est OK pour le sillage. Par contre, on a écorce et connexe de scierie qui peuvent être deux ressources mobilisables pour l'énergie, qui aujourd'hui sont principalement mobilisées par le milieu de la papeterie pour ce qui est scierie résineuse et forcément déjà valorisées sur des chaînes industrielles. Ça ne veut pas dire, si le marché évolue, qu'elles ne seront pas valorisables dans l'avenir pour l'énergie. Un élément important du PAT, ça va être le coût de mobilisation par sous-bassin d'approvisionnement. Dans des territoires de montagne et de moyenne montagne, on va avoir des bassins d'appro de basse vallée, de moyenne vallée, qui vont avoir des coûts de mobilisation sensiblement différents des zones de forte pente. Et du coup, on va séparer, tronçonner ces bassins pour avoir une meilleure lecture économique des coûts de production de plaquettes. Les coûts de production, ça ne veut pas dire les prix de vente, hein, on est bien d'accord, ça va être le prix de revient d'une plaquette forestière rendue sur un site ou sur une plateforme. Ensuite, il y a toute une base de données sur la desserte forestière, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'ensemble des informations forêt publique, forêt privée, pour ensuite identifier les bassins les mieux desservis et donc identifier les bassins forestiers à manque de desserte qui peuvent faire l'objet d'investissements pour soit augmenter le volume mobilisable, soit réduire le coût d'exploitation de ces volumes-là. Ce sont deux objectifs importants. Et enfin, le dernier point qui est essentiel pour le PAT, c'est connaître le niveau, je dirais, de rupture entre un équipement, nombre d'installations de chaufferie bois sur un territoire sans entamer son capital, ou alors qui nous permet d'anticiper sur l'exportation, comme le disait M. Thierry tout à l'heure. On connaît le volume que l'on peut exporter sur de grosses installations voisines sans pénaliser le territoire en volume. Si on a une capacité territoriale de 15 000 tonnes, que vous avez 14 000 tonnes de consommation de votre territoire et qu'il y a déjà 20 000 tonnes qui partent vers l'extérieur, vous allez au-devant de graves difficultés sur le long terme. Et on parle bien de long terme en matière forestière. La reconstitution des peuplements vont de 20 à plus de 100 ans. Donc il est indispensable de travailler sur le long terme sur cette ressource-là. Donc le PAT est constitué de deux comités de pilotage, le comité de pilotage et le comité technique, qui ont pour objectif d'être complémentaires. C'est bien le comité de pilotage qui va donner les axes stratégiques composés par les élus du territoire, présidents du territoire, les financeurs et un comité technique d'experts qui vont, eux, travailler sur toutes les données forestières, techniques, logistiques, de transport, de coûts d'exploitation, qui vont confronter des scénarios et présenter les résultats et valider les résultats avant une présentation finale au comité de pilotage composé d'élus. Donc aujourd'hui, ce que l'on peut dire sur les PAT en Rhône-Alpes, on a 14 PAT qui sont réalisés sur la région Rhône-Alpes, tous dans des conditions qui n'ont pas été favorables, et c'est pour ça qu'on a une information qui vous vient aujourd'hui. On est bien sur un outil technique qui est au service d'une politique et qui est au service d'un choix ou d'une orientation stratégique, notamment vers le bois énergie. On ne fait pas un outil à 40 ou 50 000 euros pour savoir si un jour il faudra qu'on fasse un peu de bois énergie, une chaufferie de 100 kW ou un truc comme ça, quoi. C'est un outil qui est coûteux, qui va assez loin dans l'analyse forestière. Et pour rejoindre M. Théry, pour venir faire 3 ou 4 chaufferies sur un territoire, c'est déjà une machine qui est très évoluée pour répondre à un besoin initial. Donc on a un PAT quand on a déjà un bassin de consommation développé, des chaufferies en place, des problématiques de mobilisation, des opérateurs ou des fournisseurs bois énergie qui ont du mal à trouver des volumes ou qui ont du mal à se placer économiquement en matière de prix de revient. Donc il faut déjà qu'il y ait une démarche engagée sur la filière bois énergie. Pour revenir sur les aspects techniques, j'avais oublié un petit aspect important, c'est qu'il y a des cahiers des charges qui permettent de préparer le PAT qui vont être soumis en forêt publique à l'Office national des forêts et à des experts, et en forêt privée, on différencie bien l'analyse forestière située en forêt privée de celle située en forêt publique. La France, c'est 80% de forêt privée, c'est également sur ce territoire boisé qu'on a le moins d'informations. Le but du PAT, c'est de générer de l'information locale, c'est-à-dire statistiquement fiable à l'échelle du bassin analysé. Aujourd'hui, les études de l'IFN, de l'inventaire forestier national, sont fiables à l'échelle nationale, régionale, un petit peu moins, voire des fois beaucoup moins fiables à l'échelle départementale, et complètement farfelues à l'échelle communale ou intercommunale. Donc le but du PAT, ça va être d'apporter une précision sur cette donnée-là, et surtout la mettre en forme pour que les élus qui aient à décider d'orientation puissent prendre en compte les différentes données créées. Du coup, j'ai fini en même temps que mon film. Donc là, voilà. Pour venir sur les aspects à l'issue du PAT, qu'est-ce qui doit se passer? Il y a une deuxième étape qui est la mise en place d'un plan d'action assez simplifié. Le but, c'est pas d'aller chercher un programme d'action à 12 ou 15 ou 20 actions. C'est 3-4 actions principales qui vont permettre de structurer notre filière. Les actions, elles sont d'ordre technique. Est-ce qu'il faut réaliser une plateforme de stockage pour structurer notre filière? Si oui, comment doit-elle être gérée? Qui doit en être le maître d'ouvrage? La collectivité veut-elle maîtriser les coûts et le développement de cette filière? Est-ce qu'il y a un enjeu fort sur la maîtrise des circuits courts? S'il y a un enjeu fort pour la collectivité, comment est-ce qu'elle garantit ces circuits courts? Tout ça, c'est plutôt de l'ordre juridique plutôt que de l'ordre technique. Donc il y a un accompagnement indispensable sur les modes de gestion et des plateformes, et indispensable, ça je vous l'apprendrai pas, sur le mode de gestion des chaufferies. Si l'on déconnecte l'aspect structuration d'une filière, donc le mode de gestion de la plateforme, si on le déconnecte du mode de gestion des chaufferies, là, il peut y avoir un maillon assez faible. Vous pouvez gérer, par exemple, à l'échelle d'une collectivité, d'une Comcom, une plateforme en régie, et avoir 3 ou 4 très grosses chaufferies en délégation de service public concession. Vous savez bien qu'une DSP en concession, l'opérateur s'alimente où il veut, comme il veut, au prix qu'il veut, à partir du moment où le cahier des charges ne met pas de contraintes sur le P1, c'est-à-dire sur l'approvisionnement. Donc il faut être très vigilant sur ces points-là. Beaucoup de communes aujourd'hui et d'intercommunalités ont fait le cap de faire une plateforme, parce que c'est vrai que c'était structurant. Pas très loin d'ici, dans le Vercors, une intercommunalité a réalisé il y a 7-8 ans une plateforme qui a était géré en bail commercial, et aujourd'hui, petit à petit, les éléments se délitent, puisque la structuration, les élus entre eux n'ont plus la même lecture du projet, Et il est très difficile de maintenir sur projet sur le long terme. Une plateforme, c'est fait pour durer 20, 25 ans, 30 ans, voire ne jamais s'arrêter. Donc, ce n'est pas un outil idyllique. C'est un outil qui vient aider les élus à y voir plus clair. Il y a de nombreux freins au développement du bois énergie, les aspects fonciers, les aspects économiques. Aujourd'hui, il n'y a pas pire ennemi au bois énergie que le bois lui-même. Aujourd'hui, en Rhône-Alpes, il se développe à peu près 450 000 tonnes de bois énergie de manière générale. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à mobiliser de la ressource locale, c'est les autres filières bois, notamment bois de récupération issu de déchetterie, et puis connexe de scierie. Il est indispensable de bien comprendre comment marche une filière locale pour pouvoir la développer. C'est l'objet de cet outil. Et on estime qu'aujourd'hui, ça répond à une partie des besoins. Il faudra encore améliorer l'accompagnement. En tout cas, on est à l'écoute pour toujours progresser et améliorer notre accompagnement. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute pour respecter le quart d'heure qui m'était donné. Merci. S'il n'y en a pas, je laisse la place.